I'm I'm gonna go get some more. Thank you. Look here. Look in this fucking world.

13h. Oh putain, y a... ah mais là j'entends, il y a plein de délais là. 1, 2. Un peu mieux comme ça. Par contre, un peu trop de réverb. Là c'est bon. Cool. Hello world.